Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Jean-Pierre Schnetzler ou le bouddhisme tibétain en France. Jean-Pierre Schnetzler est connu pour avoir été, sans aucun doute, le premier introducteur du bouddhisme tibétain avant même l'invasion du Tibet par la Chine, c'est-à-dire à un moment où il était véritablement un pionnier. Jean-Pierre Schnetzler, on le sait, avait une formation au départ de psychiatre et de psychiatre qui s'était spécialisé dans la tradition jungienne. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Jean-Pierre Schnetzler s'est montré d'une générosité sans limite, d'une générosité aussi bien matérielle que spirituelle, puisque c'est grâce à lui qu'a pu se créer le centre de Montchardon dans l'Isère, ce qui a donné lieu ensuite à l'Institut Karmaling et ses différentes implantations dans les Alpes françaises. Nous allons aujourd'hui essayer de suivre son itinéraire pour comprendre comment un occidental, avant tout effet de mode, a pu ainsi se rallier au bouddhisme tibétain, et il nous expliquera d'ailleurs qu'à ses yeux il ne s'est pas rallié, simplement il a découvert la vérité du bouddhisme tibétain, la vérité du bouddhisme d'ailleurs plus exactement en lui, pour passer ensuite au bouddhisme tibétain et essayer de comprendre ce qu'est une vie qui aura été entièrement marquée par la méditation, en même temps d'ailleurs qu'un énorme travail de connaissance. Et bien entendu, il faut prendre ici connaissance non point au sens de l'activité mentale telle que souvent c'est déformé en Occident, mais de la connaissance la plus haute, de la connaissance qui fait entrer en communion la plus profonde finalement avec l'état fondamental des choses, avec ce que les bouddhistes appellent la nature de Bouddha, avec la vacuité en tant que telle, au-delà précisément de la simple agitation de notre intelligence quotidienne. Et nous avons avec nous, bien entendu, Jean-Pierre Schnetzler, mais aussi l'hommage qui lui est rendu par Fabrice Midal, qui est certainement l'un des meilleurs connaisseurs du bouddhisme en France actuellement, qui réfléchit d'ailleurs sur sa volonté de créer un véritable dialogue entre l'Occident et le bouddhisme, et de savoir comment on peut penser le bouddhisme pour l'Occident dans une métamorphose telle que le bouddhisme l'a toujours connu par rapport à tous les pays où il s'est répandu. Fabrice Midal, qui par ailleurs est spécialiste d'art moderne et qui est enseignant à l'Université de Paris 8. Je suis issu d'une famille catholique, pieuse, bonne pratiquante, et de plus d'un milieu de militaires. De ce fait, dès mon enfance, je me suis orienté vers une carrière d'officier comme mon père, qui était un mutilé de la guerre de 14. Et l'adjonction, ça a été de choisir plutôt la marine. Et peut-être que j'aurais suivi cette voie sans grand problème si, à 15 ans, ma vue n'avait pas baissé. On a découvert que je ne pouvais de ce fait pas me présenter à l'école navale, et j'ai dû changer mon orientation. Ça tombait assez bien, parce que j'étais en train de me poser des questions sérieuses. Dois-je vraiment devenir militaire, ou bien plutôt chartreux ou bénédictin ? J'ai hésité, finalement j'ai plutôt choisi la vie active, mais en faisant mes études de médecine. Jusqu'au moment où, en classe de philosophie, j'ai été intéressé par Schopenhauer. Et comme Schopenhauer disait que les seules personnes qui avait été importante pour lui, c'était celle hindoue, bouddhiste, qui avait écrit des choses curieuses pour les Occidentaux. En sortant du bac, je me suis acheté un livre d'Oldenberg sur le Bouddha, sa doctrine et sa communauté, en me disant, ben voyons, qu'est-ce qui avait intéressé Schopenhauer ? Et en lisant ce gros volume érudit, avec d'excellentes traductions du canon bouddhiste, j'ai été victime d'un tremblement de terre, puisque tout ce qu'il y avait dans le livre, je le savais. Y compris les expressions, les tournures de phrases. Ça a été épouvantable. Parce que je me suis dit, j'ai été bouddhiste dans une vie antérieure. C'était la conclusion pour moi totalement évidente et totalement impossible pour un bon catholique de l'époque. J'ai donc décidé de ne pas en dire un mot, parce que je sais que ça ferait un drame dans la famille, chez les amis, que personne ne me comprendrait, qu'on penserait que j'étais un peu fou. J'ai donc commencé mes études de médecine, et bien entendu, parallèlement, j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main sur le bouddhisme en français, ou un peu en anglais. De ce fait, j'ai décidé de devenir psychiatre, puisque le Bouddha s'intéresse essentiellement à la souffrance, psychique entre autres, bien entendu, à ses racines, à la façon de la guérir, de s'en libérer. Donc la spécialité médicale qui me convenait, c'était la psychiatrie. Pour un futur psychiatre, être dingue, c'est quand même ennuyeux. Donc j'ai continué à ne rien dire sur ce sujet. D'autant plus que dans le milieu des étudiants en médecine, de l'époque, c'était 45 à 55, en gros. L'existence de vie antérieure était une impossibilité. Donc j'ai attendu d'être nommé médecin des hôpitaux et d'avoir mon premier poste en Bretagne, à Morlaix, en 1955, pour me sentir un peu plus libre et pour chercher à quoi pouvait ressembler un bouddhiste vivant. J'en ai découvert un qui était moine, étudiant à la faculté et qui vivait à la cité universitaire. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, vénérable, je veux prendre refuge. Il m'a regardé en ouvrant grand les yeux. Il m'a dit, quoi ? Je dis, oui, je voudrais devenir bouddhiste officiellement, prendre refuge. Comme on fait chez nous ? Mais oui, de vénérable, comme on fait chez vous. Dans les formes rituelles ? Mais oui, vénérable, dans les formes rituelles. Ah ! Il dit, c'est la première fois de ma vie que j'entends une chose pareille. Mais il dit, mais vous savez qu'il y a un deuxième moine qui est étudiant à Paris, c'est le vénérable Walpola Raoula. Donc j'ai fait connaissance du vénérable Walpola Raoula et j'ai pris refuge avec le premier qui s'appelait le vénérable Dhammarama, c'était un cambodgien. Et le vénérable Raoula, en janvier 1958, c'était la première fois que ça se passait à Paris. Jean-Pierre Schnetzer fait partie de cette génération d'Occidentaux qui sont tournés vers le bouddhisme à une époque où le bouddhisme était quasiment inconnu. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui vu l'extraordinaire popularité du bouddhisme. Il est une sorte de pionnier. Et c'est très intéressant de voir qu'il se tourne vers le bouddhisme, pas du tout pour y chercher un certain confort, une certaine manière de trouver un bien-être, mais par une réflexion très profonde quant au destin d'une possibilité, d'un rapport à une spiritualité authentique. Ce qui me frappe chez lui, c'est la lecture qu'il fait de René Guénon, et à partir de la lecture de René Guénon, qui essaye, dans une époque de scientiste et dogmatique, de retrouver un sens de la spiritualité dans une rigueur extrême et dans un refus des oppositions entre religions qui débouchent sur les conflits que nous savons. Et je sais que Jean-Pierre, enfant, raconte comment il avait du mal à entendre « hors de l'Église, point de salut ». Ça lui semblait impossible par rapport à ce que doit être une vérité spirituelle. le travail spirituel, ce n'est pas un travail psychologisant, narcissique, mais c'est un travail de connaissance extrême. Et le bouddhisme lui semble une voie encore vivante, spirituelle. Donc c'est d'abord cette vertu-là de l'exemple qui me frappe chez lui et qui me semble aujourd'hui plus que jamais un point de référence solide comme voie. Qu'on partage ou non certains de ses engagements, c'est autre chose, mais comme ligne de force, comme ligne de conduite, c'est très impressionnant. Vous passez de Schopenhauer, vous remontez à la connaissance du bouddhisme, et on a l'impression quand même que le bouddhisme de Schopenhauer est un bouddhisme... Enfin, lorsqu'il traduit le nirvana par le néant, ce que va reprendre Freud derrière, j'ai l'impression quand même que la vacuité, ce n'est pas le néant. Et que donc, vous avez dû faire quand même une recherche en amont, si l'on peut dire, pour revenir au véritable sens. Bien entendu. Alors, j'ai commencé par lire les traductions du canon en anglais. Puis, bien sûr, j'ai écouté aussi les enseignements et les commentaires de ces deux premiers moines dont j'ai été le disciple. J'ai commencé la pratique également de la méditation à ce moment-là. Et depuis cette époque, donc, j'ai continué la pratique et la méditation. La pratique et l'étude, et puis la méditation. Or, l'étude, évidemment, je suis revenu aux sources. Hein. Bon, j'ai laissé Schopenhauer pour plutôt étudier le canon. Mais alors, il y a aussi une question qui se pose, Jean-Pierre Schindler, parce que si je vous entends bien quand même, vous commencez par des contacts avec ce que traditionnellement on appelle le petit véhicule, et éventuellement vous allez subir quand même vous allez suivre une évolution. Oui, tout à fait. Bon, alors, le petit véhicule, c'est la locution habituelle de ceux qui sont des tenants du grand véhicule, bien sûr. En réalité, dans le Theravada, dans la voie des anciens, le petit véhicule, on n'enseigne pas l'idéal du bodhisattva à tout le monde. Hein, voilà. C'est un enseignement qui est réservé à une élite et qui intéresse plutôt les moines, mais pas le laïc de base. Mais il existe encore aujourd'hui les moines du Theravada qui prennent les vœux de bodhisattva comme dans le grand véhicule. Alors, simplement, si vous pouviez nous rappeler ce qu'est le bodhisattva. Voilà, tout à fait. L'être d'éveil, hein, c'est celui dont l'idéal est d'apporter à autrui tous les moyens possibles d'enseignement, de pratique, de technique, méditative, qui faciliteront à tout le monde la libération. Donc, il y a un idéal qui, a priori, s'adresse à tout le monde, même les criminels, tous les pratiquants, puisque tout être vivant possède ce que le bouddhisme appelle la nature de Bouddha, mais il y a là un facteur affectif d'amour et de compassion pour tous qui est effectivement la marque de ce qu'on appelle le grand véhicule. Et l'idéal du bodhisattva, c'est donc un amour altruiste, compassionné, qui vise à donner à tous la chance, la possibilité, éventuellement, de se libérer. En 1967, maître Taisen Deshimaru est arrivé à Grenoble, descendant du Transsibérien, et il a chuté, si j'ose dire, dans le jardin d'un de mes amis, qui m'a téléphoné en me disant « Je suis très ennuyé, j'ai un moine zen japonais qui vient d'arriver chez moi. » Alors, je suis donc allé faire sa connaissance, et on en a convenu, bien sûr, que il était arrivé en France comme cela, mais c'est quand même à Paris qu'il serait le mieux. Il a fondé l'école Zen Soto en France, et je suis devenu son disciple. Donc je suis passé du Theravada, ou du petit véhicule, au Mahayana, au grand véhicule, tout naturellement, en fonction de l'évolution historique que je n'avais pas maîtrisée. Et j'ai donc pratiqué, je pratique toujours le zazen d'ailleurs. Ça, c'était en 1967. Et en 1971, autre hasard, un de mes amis avait rencontré Kalu Rinpoche au Canada. C'était le premier contact de Kalu Rinpoche avec l'Occident. Et la première, l'étape suivante de son voyage, c'était Paris. Et mon ami m'a dit, écoute, tu te vois venir voir un lama tibétain à Paris, parce que c'est un homme remarquable. J'avais un travail énorme. Et je lui ai répondu textuellement, qu'est-ce que tu veux que je foute d'un lama tibétain ? Il m'a dit, si, si, ça te fera du bien, viens te reposer, viens le voir. Bon, je lui ai dit, d'accord, je me suis fait une liste de questions. Je suis donc allé voir Kalu Rinpoche avec mon ami. Je me suis assis. Il a posé des questions, lui, il a bavardé. Kalu Rinpoche a répondu à toutes les questions que je n'avais pas posées. Et je me suis dit, là, Jean-Pierre, tu as trouvé ton maître. Et l'autre aspect qui est frappant dans la vie de Jean-Pierre Schneider, c'est vraiment le sens d'être au service du Dharma. On voit chez lui aucun souci de promouvoir son œuvre ou une pensée personnelle, mais vraiment une réflexion quant à la situation de notre temps et qu'est-ce qui est le plus nécessaire dans notre temps. C'est comme ça qu'il a fondé, par des donations, deux des plus grands centres qui existent aujourd'hui dans le bouddhisme tibétain, et c'est ainsi qu'il s'est consacré, ce qu'il faut vraiment souligner, qu'il s'est consacré à la transmission de la pratique de la méditation dans sa simplicité et sa rigueur la plus grande. Au fond, c'est aussi quand même un de ses grands engagements. Donc de ce point de vue-là aussi, il est vraiment exemplaire. Quelqu'un qui a vécu en harmonie, qui vit en harmonie avec les déterminations qu'il a faites, qu'il a prises. Il y a un terme sur lequel j'aimerais avoir votre avis, Jean-Pierre Schneider, parce que on voit bien à quel point il est soumis à malentendu souvent, qui est le fameux terme de nirvana, hein, la vacuité. Parce qu'on voit très bien une tradition qui commence à Schopenhauer, qui a été reprise par Freud, qui a été reprise par beaucoup de philosophes, dans laquelle la vacuité, c'est le néant. Alors lorsque je lis les textes, j'ai l'impression que c'est autre chose que le néant. Mais d'ailleurs, dans les textes canoniques, du bouddhisme, on condamne formellement la conception de la vacuité comme néant. C'est celui qui pense cela est incurable, dit un texte canonique. La vacuité, c'est l'indicible qui désigne l'interrelation universelle de tous les phénomènes. C'est-à-dire, ça pose l'existence de tout, mais ça n'enferme en rien. Et c'est ça la vacuité, ce qui est un terme négatif. Nirvana aussi, c'est un terme négatif, ça veut dire extinction. Mais les commentaires disent, l'extinction, ce n'est pas rien. C'est une façon de parler, c'est l'extinction du feu de la souffrance. Mais est-ce qu'en même temps, Jean-Pierre Schnessler, cela n'explique pas ce qui, disons la vérité, choque beaucoup souvent les Occidentaux, particulièrement dans le bouddhisme tibétain, dans lequel il y a quand même une liturgie extrêmement profonde, une iconographie extrêmement profonde, les techniques de visualisation, etc. Et dans lequel un occidental a souvent tendance à dire, eux qui parlent tellement d'illusions, ils sont dans l'illusion. Alors est-ce que le symbole, au contraire justement, est-ce qu'il ne faut pas le comprendre comme réalité symbolique, et est-ce que le symbole ne demande pas à être compris autrement que nous n'avons fini par le comprendre ? Tout à fait. C'est une illusion relative si on le prend au sens absolu, hein, mais c'est une vérité relative si on le prend au sens d'un stade dans l'évolution et dans la pratique. Mais tous les commentaires concernant les rites, la répétition des mantras, les images symboliques de divinité, etc., donnent tous des interprétations de chaque détail symbolique et globalement de cette visualisation, par exemple, étant devant être prise comme un symbole. Ça veut dire réunir en une seule vérité vivante la complexité incroyable de la réalité. Et arriver à maîtriser les différents sens des parties du symbole, par exemple, pour en faire un tout vivant, c'est le même travail qu'en psychanalyse, on fait quand on manipule les images du rêve. On essaye de les comprendre dans toutes leurs contradictions éventuelles, mais aussi dans leur richesse, et de les accepter comme étant un sens vivant, complexe, peut-être contradictoire au départ, mais qui finit par être réuni dans une seule image satisfaisante. Donc l'interprétation symbolique est absolument indispensable, et c'est tellement vrai que dans la technique méditative des visualisations, on commence par s'identifier par exemple au symbole, à la divinité, et ensuite on la dissout. Si on s'enfermait dans cette image symbolique, on deviendrait victime de la réalité symbolique. On ne la maîtriserait pas. Elle ne serait pas là pour nous libérer, elle nous enfermerait. Oui, mais précisément, dans le symbole, même si on prend l'étymologie, ce que l'on jette avec, est-ce que ce n'est pas en même temps ce qui nous est accessible humainement et qui est comme la figure de ce qui n'a pas de figure ? Tout à fait. En fin de compte, et c'est à cela que ça nous ramène, et c'est quand même sa grande fonction. Tout à fait. Mais le passage par le symbole, c'est un moment de l'évolution. Effectivement, après, on va au-delà du symbole. Et ça, c'est illimité, informel. Il n'y a plus de limite. Donc, le stade ultime est une méditation informelle. Le symbole est un instrument de passage. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant chez Jean-Pierre Schnetzler et Fabrice Midal par rapport à l'image que nous avons souvent du bouddhisme telle qu'elle est véhiculée, puisque souvent on entend dire, en fin de compte, nous n'avons pas besoin de réfléchir, seule l'expérience et la méditation comptent. Et on a l'impression, là au contraire, que Jean-Pierre Schnetzler est quand même quelqu'un qui a énormément réfléchi, qui connaît énormément de choses, qui a énormément étudié, alors même s'il le dépasse. Par ailleurs, mais qui considère que la voie de la connaissance est une des voies au moins préparatoires. La voie de la connaissance, si on l'entend au sens non pas de la connaissance livresque d'amagasiner des connaissances, mais au sens de voir clairement ce qui est, et là c'est intéressant parce que le mot gnose en Occident, le mot connaître et le mot prajna, jna, ont la même racine. C'est le cœur du bouddhisme. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut aujourd'hui. Le génie du bouddhisme, c'est d'abord le fait d'avoir mis au cœur la connaissance. La différence entre le Bouddha et tous les autres yogis, sages qui existaient de son temps, c'est que lui a vu que la pratique de la méditation pour réussir à atteindre la paix n'était qu'une illusion tant qu'elle ne menait pas à la connaissance. En langage technique, que shamatha, si elle n'était pas liée à vipassana, c'est-à-dire si le vipassana étant le développement de la vue claire, sans cela, il n'y a pas de bouddhisme. Donc oui, sans connaissance, mais cette connaissance, encore une fois, pas du tout celle des intellectuels, cette connaissance complètement desséchée, morte et égocentrique, mais une connaissance dans ce qui est, pour être auprès de ce qui est, c'est le cœur de la voie du Bouddha. Alors, il y a une réflexion qui me vient ainsi en vous écoutant, Jean-Pierre Schnetzler, puisque vous me dites le petit véhicule, puis le zen, puis le véhicule de diamant. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire en même temps, derrière le zen, c'est le chan chinois, c'est-à-dire la rencontre du bouddhisme avec le taoïsme, d'une certaine manière. Le tantrisme tibétain, c'est quand même aussi la rencontre du bouddhisme avec la vieille religion bonne. comme si, d'une certaine manière, vous vous approchiez aussi de plus en plus de quelque chose qui est de l'ordre quand même de la vieille tradition chamanique. Et ce qui me frappe en même temps, c'est de voir comme le bouddhisme, je dirais, est fort peu sectaire, et comme il sait quand même intégrer beaucoup de choses qui n'étaient pas le message originel. Tout à fait. Mais alors, cela, c'est effectivement une caractéristique fondamentale du bouddhisme, l'absence de sectarisme, on peut le dire comme cela, tout à fait. Mais aussi une ouverture totale d'esprit à l'existence possible de plusieurs traditions, dans plusieurs univers, et que dans ces divergences apparentes, il n'y a pas de contradiction. Il y a des différences, mais il n'y a pas de combat, parce que la vue sage est une vue synthétique qui tient compte de tout, qui n'écarte rien, mais qui permet d'aller au-delà. Donc de ne s'enfermer dans aucune doctrine exclusive. Et cela, c'est une vision pacifique. Il n'y a pas de guerre de religion dans ces conditions. On peut avoir des divergences d'opinion, c'est tout à fait naturel. C'est même nécessaire, je dirais, parce que ça tient compte des particularités des individus. Mais il ne faut pas s'enfermer dans les particularités d'un individu ou d'une doctrine. Mais est-ce que d'une certaine manière, on ne retrouve pas une pensée qui a été largement minoritaire en Occident, qui est ce qu'il est convenu d'appeler la pensée de la conjonction des opposés? Je pense évidemment à quelqu'un comme Nicolas de Cuse, disant ce que nous appelons les opposés sont des manifestations différentes, qui ont leurs différences, il ne s'agit pas de les nier, mais ce qui est important, c'est de trouver la tierce opposition, en quelque sorte, qui permet d'avoir l'unité, tout en respectant, effectivement, les oppositions au moins apparentes. Absolument. C'est là, d'ailleurs, je dirais, la partie la plus sage du christianisme, celle des mystiques, hein, qui vont au-delà des oppositions. C'est la voie de la sagesse, en même temps que la voie de l'amour, d'ailleurs, hein, parce que ça évite les guerres et les persécutions. Mais surtout, ça permet de faire la paix avec autrui et à l'intérieur de soi-même, entre les contradictions qui habitent les individus. Bon, il se trouve que j'ai eu aussi une formation analytique. C'est pas par hasard si je suis devenu jungien. C'est évidemment normal, je ne pouvais pas faire autrement, n'est-ce pas? J'ai étudié Freud, mais ça ne me satisfaisait pas. Donc, la conjonction des opposés... La vision symbolique des choses telles que Jung les décrit, par exemple, ça va justement au-delà des oppositions, ça synthétise les opposés. Et ça fait la paix et le bonheur. Et en fait, ça, c'est la logique hindoue, d'ailleurs, hein, et la logique bouddhique, qui est comme celle de Platon, le tétralème, c'est une logique à quatre propositions. Ça n'est pas comme Aristote. Hein. Et tant qu'on n'a pas vraiment pénétré, comme le font les mystiques d'ailleurs, l'au-delà des oppositions, eh bien, on reste dans la souffrance de notre société qui est toujours en train de combattre un ennemi, hein, au lieu d'en faire un frère. Mais alors, il y a une grande question qui est aussi toujours agitée, puisque là nous sommes entrés clairement dans les terres du bouddhisme tibétain, c'est ces techniques de visualisation. Parce que beaucoup disent, bah, finalement, d'une certaine manière, c'est une sorte d'hallucination volontaire. Alors, est-ce que là aussi, est-ce que nous ne sommes pas obligés de réfléchir, je dirais, selon des niveaux de réalité différents, et d'admettre qu'on va de plus en plus profond dans les niveaux de réalité? Ah, mais tout à fait, hein. Mais alors là, on arrive au problème difficile qui est celui de la conception de ce qui constitue l'être humain dans la modernité occidentale par rapport aux doctrines traditionnelles orientales, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, d'ailleurs c'est la même chose, ou même le christianisme des origines, hein, où l'être humain était tripartite, hein, corpus anima spiritus, hein, et l'esprit, lui, est totalement transcendant. L'anima, elle est dans la zone intermédiaire qu'on appellerait aujourd'hui le psychisme. Et le corps, bon, il est ce que nous savons. Et la tripartition est exactement la même dans le bouddhisme. Hein. C'est le monde matériel du désir, le monde de la forme pure et le monde informel. On retrouve exactement la même tripartition que dans le christianisme primitif. Donc, l'être humain est intrinsèquement constitué de façon hiérarchique par une réalité spirituelle totale, illimitée, informelle, universelle, qui est la seule véritable réalité de l'être humain. Le méditant qui fait des expériences d'extase, qui c'est tout à fait à la portée du citoyen moyen, s'il pratique sérieusement assez longtemps, à la concentration, il peut arriver à ces états-là, qui sont normaux, qui font partie des capacités naturelles de l'être humain. Il n'y a pas besoin de demander l'autorisation d'y avoir accès. Ça existe déjà. Mais pour que nous nous rendions compte que ça existe déjà, il faut que nous arrêtions de nous enfermer nous-mêmes dans notre cercueil mental et corporel. Lorsque vous vous êtes servi du terme d'âme, oui. Jean-Pierre Schneider, oui. en rappelant que traditionnellement, l'homme était considéré comme tripartite. Oui. Effectivement, ce n'était pas du tout dualiste. Il y avait comme l'âme comme un espace intermédiaire, si l'on peut dire. Est-ce qu'en même temps, lorsqu'on creuse véritablement cette notion d'âme, on n'est pas ramené à des conceptions que nous avions même dans notre propre tradition, je pense, ne fût-ce qu'au pythagorisme, ou au platonisme, ou au premier christianisme, à savoir que nous sommes aussi, que les hommes sont des êtres qui, d'une certaine manière, ont oublié leur propre origine, et que l'âme en est le chemin. Non, mais ça, c'est un drame épouvantable. Mais c'est effectivement l'oubli des origines. Et ça peut s'entendre, comme là vous venez de le dire, l'oubli de l'origine transcendante. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est fermé, c'est oublié. Les hommes ont complètement oublié que la divinité est au cœur d'eux-mêmes. Alors, un bouddhiste dira la nature de Bouddha, le vocabulaire change, mais ça a exactement le même sens. Thus have I heard at one time the Buddha. Et l'autre force du travail de Jean-Pierre Schneider, c'est d'avoir maintenu la rigueur et l'intégrité de la voix du Bouddha en maintenant un dialogue constant avec l'Occident. Et moi, une des choses qui m'a beaucoup frappé chez lui, qui m'a beaucoup secoué, c'est son engagement dans la franc-maçonnerie. Et ce qui m'a sidéré quand j'ai lu son livre, que je trouve un des plus beaux livres qu'on a écrit sur la franc-maçonnerie, qui est un peu un des paradoxes, que ce soit quelqu'un engagé dans le bouddhisme qui écrive un des livres les plus radicaux, c'est qu'il a choisi une voie dans la franc-maçonnerie qui était marquée par le christianisme, la plus marquée par le christianisme. Alors je lui ai dit, mais pourquoi ? Mais pour lui, il n'y avait pas de contradiction, parce qu'en tant qu'une voie est authentiquement spirituel, authentiquement invitant à une transformation réelle, les ponts ne posent aucun problème. Et là, il est marqué évidemment par la perspective d'une traditionnelle, au sens de René Guénon, qui a une unité transcendantale des religions, à partir duquel elles peuvent se comprendre au point le plus ultime. Et là, il y a tout le travail qu'a fait Jean-Pierre sur le rapport entre la notion de nature de Bouddha, la notion de voie apophatique, qui est d'une finesse, et qui peut vraiment guider celui qui veut sortir, disons encore une fois, du narcissisme. Emotion of characteristics of the various colors. Ce n'est pas une des choses intéressantes dans le travail de Jean-Pierre Schneider que cette comparaison, je dirais, quasiment réglée, qu'il fait entre l'intuition majeure, précisément ce à quoi vous faisiez allusion, la nature de Bouddha, et la théologie apophatique ou la théologie négative, c'est-à-dire de voir comme finalement on aboutit toujours sur l'idée de quelque chose qui est au-delà des capacités de la simple raison humaine. Exactement, c'est central. Et du coup, c'est extraordinaire, parce qu'au travers du bouddhisme, on n'est pas séparé des racines de l'Occident, donc on les comprend beaucoup mieux. Ça a été son parcours, ça a été celui de beaucoup d'autres bouddhistes, grâce à la transmission spirituelle du Bouddha, comprendre ce que veut dire la nuit du dépouillement complet, comprendre ce que ça veut dire le se désapproprier de soi, dont parle Madame Guyon. Donc, on commence à comprendre que la mystique pointe une expérience qu'on peut retrouver, pour autant qu'on puisse faire ce travail. Donc le travail de Jean-Pierre Schnetzer permet de comprendre que le bouddhisme, loin de nous enfermer dans un Orient rêvé, est une manière de retrouver les sources les plus profondes de la mystique partout où elle est vivante. Moi, j'ai commencé à m'intéresser de façon, je dirais, historique, philosophique, psychologique, aux vies antérieures, à la suite de l'expérience que j'ai faite quand j'avais 17 ans. Hein. Bon, aujourd'hui, ça fait plus de 70 ans. Donc j'étais amené à étudier la question. Et il y a aujourd'hui des enquêtes scientifiques qui ont été faites sur les souvenirs de vies antérieures. Bon, ce sont des phénomènes très rares. Tout à fait exact, mais tout de même, lorsqu'on les étudie de façon sérieuse, beaucoup plus fréquente qu'on ne pourrait l'imaginer, puisque bon, l'homme qui a lancé les études scientifiques contemporaines, c'était Ian Stevenson, qui était professeur de psychiatrie à l'Université de Virginie aux États-Unis. Sa première publication doit dater de 1960, je crois, sur la question. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait 2700 dossiers, à peu près, dans les archives de l'Université de Virginie. Bon, il en a publié quelques centaines, dans tous les détails. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a simplement écouté les enfants qui racontent spontanément des souvenirs de vie antérieure. C'est évidemment très rare, mais ça existe. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Dans 61% des cas, il raconte une mort tragique. Et c'est probablement ce traumatisme d'une mort effroyable qui surmonte l'amnésie normale, qui est le cas universel, ou à peu près, en supposant évidemment que tout le monde se réincarne, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a certainement des tas de gens qui vont directement au paradis, donc qui ne se réincarnent pas. Enfin, pour beaucoup, certainement, c'est ce qui se passe. Et il y a là, manifestement, un oubli total. Mais lorsque cette barrière est dissoute, eh bien, ces enfants vous racontent leur nom, leur prénom, le nom des membres de la famille, le métier qu'ils faisaient, l'endroit où ils habitaient, etc. Et on peut aller vérifier, et c'est ce qu'a fait Stevenson. Il a fait un travail de psychologue policier en allant interroger non seulement les familles, mais aussi les gens de la famille précédente. Et on vérifie à ce moment-là que tout ce que racontent les... ou à peu près tout, parce qu'il y a des erreurs de mémoire, comme toujours, à peu près tout ce que racontent les enfants est exact. Donc ils se souviennent parfaitement de leur vie antérieure. Mais la barrière universelle, c'est l'amnésie. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Est-ce que les Grecs disaient « Vous buvez les eaux du fleuve l'été, n'est-ce pas ?» Et ça vous fait tout oublier. Peut-être que c'est miséricordieux. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on essaie de réfléchir à ce phénomène de réincarnation, de transmigration, il y a des différences, on ne va pas s'attarder dessus pour l'instant. Et effectivement, on le retrouve, vous le disiez très justement, chez les Grecs. À la fin de la République, Platon, c'est à peu près ce qu'il nous raconte, comment l'âme va redescendre et à la limite choisir son destin, d'ailleurs. Mais se pose la question de se dire, mais à travers ces phénomènes de survie de l'âme, ou de retour de l'âme, qu'entendons-nous exactement par cela ? Parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit réincarnation, les gens se comprennent souvent je vais revenir et d'une certaine manière, je vais me rattraper, je vais faire ce que je n'ai pas fait. Alors j'ai l'impression qu'originellement, ce n'est pas exactement ça que ça veut dire. Alors, pour les bouddhistes, ce qui gouverne la réincarnation, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Mais karma, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'action causale. En fait, la loi du karma, c'est la loi de causalité, purement et simplement. Or, qu'est-ce qui se passe quand on étudie la psychologie de ces enfants qui se souviennent spontanément de leur vie antérieure? Ils subissent, dans la vie suivante, le résultat des causes psychologiques qu'ils avaient mis en branle dans la vie précédente. Having just realized to humanness. Qu'entendons-nous exactement par le mot et par le phénomène de la mort ? Je veux dire par là qu'en Occident, on a l'habitude de dire le contraire de la mort, c'est la vie. J'ai l'impression que là, le contraire de la mort, c'est plutôt la naissance. Absolument. Et que la mort est une renaissance, d'une certaine manière. En fait, moi, j'appelle souvent la mort un examen de passage. Bon, c'est une façon amusante de dire les choses. Mais en réalité, la vie est composée obligatoirement de naissance et mort. La naissance en est le début. La mort, la fin, mais ça continue après. Pas obligatoirement sous une forme incarnée. Hein. Ça, c'est ce qu'enseigne le bouddhisme. Les conditions d'existence sont extrêmement variables. Alors, il y a des individus qui vivent dans la chair, comme les animaux ou les êtres humains, par exemple, mais il y a aussi des vivants qui sont uniquement sur le plan mental. Pour les bouddhistes, l'enfer, c'est un cauchemar. Ça, le même degré de réalité est ô combien dramatique hein, qu'un cauchemar avec des souffrances répétitives, par exemple. Il y a des états paradisiaques, également non charnels, dans lesquels les gens jouissent d'une vie heureuse, paisible, contemplative, avec de nombreuses variétés, puisqu'il y a une échelle considérable de perfection dans ces états, où, depuis les plus ordinaires, qui sont des paradis vulgaires, où l'on voit des bons amis, on s'amuse, on rigole, on mange, comme disait l'un d'eux, on n'a même pas besoin de manger, il suffit de voir les aliments pour être rassasié. Bon. Mais tout cela, ce sont toujours des états qui sont limités par des désirs, des « j'aime ça, je n'aime pas ça », et par des limitations de compréhension qui fait qu'on s'y enferme. Et tourner en rond dans ces états-là, c'est ce que le bouddhisme appelle la transmigration. Mais la libération véritable, le nirvana véritable, c'est d'aller au-delà de tout cela, de ne plus être identifié même à un état paradisiaque. Même si on n'adhère pas au thème de la réincarnation, cela veut dire en même temps qu'il y a quelque chose en nous qui est branché sur la réalité fondamentale, oui, et qui finalement nous précède et nous excède en même temps. Exactement, exactement. La réincarnation d'ailleurs n'est pas une fatalité, c'est même de cela dont il faut se libérer, n'est-ce pas? Mais la réalité transcendante, effectivement, elle est au-delà de toute espèce d'existence partielle et limitée, que ce soit dans un paradis, un enfer ou à Paris. Hein, je veux dire, tout ça, ce sont des limites. Mais les sages sont au-delà des limites. Alors précisément, ces limites, Jean-Pierre Schnitzler, lorsqu'on regarde le bouddhisme, on s'aperçoit qu'il y a... Il y a beaucoup de manières de les dépasser, puisqu'il y a des écoles dans lesquelles il faut, je dirais, des années d'efforts, d'assaise, si on peut dire, enfin, encore que ce soit un mot chrétien, je dis de méditation extrêmement intensive. Il y a des écoles comme le Chan dans lesquelles l'illumination peut être subite et on peut y avoir un accès immédiat. Mais tout à fait exact, le Chan ou le Zen insiste sur le caractère immédiat de l'illumination. Mais il insiste aussi beaucoup sur la durée très grande, et l'intensité du travail qui précède. hein, parce que avant d'arriver à l'illumination, au Satori, etc., eh bien, il faut beaucoup peiner. Et en ce sens, il ne dit pas quelque chose qui est vraiment différent de ce qu'enseignent les autres écoles. Hein, c'est effectivement, l'illumination, c'est tout d'un coup, on voit, on saisit, on comprend, on a réalisé. Mais avant d'y arriver, bon, des dizaines d'années ou de nombreuses vies d'efforts pour y arriver. Donc, il y a toujours à la fois le point de vue immédiat de l'illumination. Dans le tantrisme, par exemple, Dzogchen et le Mahamudra, ce sont deux écoles qui insistent beaucoup justement sur le caractère instantané de l'illumination. Hein. Bon, c'est une illumination subite. Et en ce sens, il n'y a pas de différence avec le zen. Simplement, les moyens pour y arriver ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire, les techniques de méditation ne sont pas exactement les mêmes. Mais dans tous les cas, c'est une longue aventure avant d'y arriver. Hein. Et à cet égard, en fait, il n'y a pas de véritable différence fondamentale entre les trois écoles, en réalité. Non, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et en effet, lorsqu'on lit les textes, ça semble assez évident. Mais en même temps, on a l'impression que, je dirais, il n'y a pas une pensée catégorisée comme la nôtre en Occident. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement plusieurs chemins possibles. Et il y a plusieurs techniques possibles, ah oui, si on peut dire. Oui, oui. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est extrêmement important. C'est le style des chemins pour y arriver. Hein. Alors, les pratiques méditatives peuvent être très, très différentes les unes des autres. Hein. Les techniques de la voie de la concentration, par exemple, vont passer par des extases. Hein. Les techniques de la voie de la vision pénétrante pure et dure, comme le zen ou le Mahamudra ou le Dzogchen tibétain, c'est purement et simplement la vision transcendante ici, maintenant, de ce qui se passe comme ça se passe, sans plus. C'est la simplicité parfaite, extrêmement difficile, bien sûr, mais très économique. Bon, les Tibétains utilisent beaucoup de méthodes de yoga tantrique, visualisation, utilisation des énergies internes, bon, qui leur sont particulières, qui sont très efficaces également. Et on peut dire aussi qu'il y a une voie qui est la voie de la dévotion pure, hein, la voie de l'amour, de la compassion, de la dévotion pure, dans certaines écoles, comme les écoles de la Terre pure, où c'est l'abandon total à la volonté et au souhait du Bouddha Maitreya, ou du Bouddha Amitabha, enfin bon, c'est-à-dire celui qui incarne l'amour et la compassion, qui va vider l'être, l'individu compliqué, progressivement, de tous ces obstacles. Et c'est la voie de l'amour et de la dévotion. Ça existe aussi, et ça marche aussi. Et c'est très différent comme pratique, mais il n'y a pas de contradiction. Ce sont simplement des itinéraires différents. Mais on arrive au même endroit. Afin de continuer d'une certaine manière la réflexion que nous avons eue avec Jean-Pierre Schnetzler, dans les livres de la semaine, j'aimerais signaler d'abord la réédition au format de poche, aux éditions Almora, de l'ouvrage « Amour et connaissance » de Alan Watts. Alan Watts, on sait très bien que c'est le, je mets le mot entre guillemets évidemment, mais c'est le pape de ce qu'en Amérique on appelait la « Beat Generation », c'est-à-dire ceux qui ont remis en cause toute la littérature traditionnelle avec un mouvement précisément vers les spiritualités de l'Orient, Alan Watts, qui a été particulièrement marqué d'une part par le taoïsme et d'autre part, à travers la rencontre du taoïsme et du bouddhisme, le chan chinois et donc évidemment son surjoint japonais, c'est-à-dire le zen. Il faut remarquer d'ailleurs que le titre original de ce livre était plus Nature, Man and Woman, autrement dit la nature, l'homme et la femme, c'est-à-dire que Alan Watts réfléchit profondément sur les oppositions qu'il fait ressortir comme d'origine occidentale entre l'amour et la connaissance, entre le bien et le mal, entre le masculin et le féminin, entre l'esprit et la nature, chacun de ces termes se correspondant les uns aux autres, ce qui fait qu'évidemment nous avons l'adéquation entre la connaissance, le mal, la nature, la femme, et d'une certaine manière nous retrouvons là toute la figure traditionnelle dans notre imaginaire occidental, la figure traditionnelle d'Ève. Et c'est cela qu'il essaie de lever en quelque sorte dans une volonté de ce que dans notre langage nous appelons une union des contraires, un domaine où la sexualité et la spiritualité seraient réconciliées, où l'esprit et la nature seraient envisagés dans leur unité la plus profonde, c'est-à-dire où nous avons l'introduction à ce que l'on pourrait appeler une écologie, une érotique spirituelle. L'écoulement de la vie se révèle comme un champ autonome, où l'actif et le passif, l'intérieur et l'extérieur sont finalement identiques. L'homme gratifié d'une telle conversion retrouve sa vraie place dans la nature. C'est ce que sous-entendent les images du poème chinois « Vivons dans les nuages blancs et la pourpre des bois, chantons tous ensemble les chants de la grande paix ». Et puisque nous sommes en Orient, je voudrais aussi signaler aux éditions Labor et Fides, les éditions suisses, l'ouvrage de Zargalma Dandarova et de Darima Budaraevna, Entretien avec une chamane sibérienne. En réalité, nous avons là deux femmes qui sont d'origine bouriate toutes les deux, c'est-à-dire de cette partie de la Sibérie où on le sait qu'entre les bouriates, les yakoutes, les samoyèdes, etc., a existé ce que l'on appelle, ou ce que l'on pourrait appeler, le chamanisme originel, qui continue à perdurer d'ailleurs aujourd'hui, et où, à travers les recherches de Zargalma Dandanova, elle-même bouriate, professeur associé à la faculté de psychologie de l'université de Saint-Pétersbourg, nous en avons l'entretien avec une chamane tout à fait traditionnelle afin d'essayer de comprendre ce qui est le fond de cette culture et en même temps comment se fait la transmission, même dans un monde qui apparemment lui serait fermé. Il y a différents rituels. Le culte des ancêtres d'une famille. Le culte des maîtres des sommets des montagnes. Le culte Karin Urgol, par exemple. Le culte de la neutralisation des diables se déroule la nuit. Il y a également le culte des sept sages blancs, le culte des divinités célestes. Il existe beaucoup de rituels différents, chacun à un moment déterminé. Le rituel du culte des ancêtres, par exemple, dure aussi longtemps que le coucou chante, c'est-à-dire jusqu'au 20 juillet. Et puis, pour revenir vers nos horizons, je voudrais signaler l'ouvrage de Vincent Descombes, « Le platonisme » aux presses universitaires de France. En réalité, il s'agit d'un texte vieux de plus de 30 ans, mais qui nous est redonné aujourd'hui, et que, éventuellement, on peut lire à la lumière des travaux de quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, d'une part, mais évidemment des anciens travaux de Dodds, en Angleterre, ou des travaux de Giorgio Colli, c'est-à-dire la manière dont la philosophie, et dont le platonisme en particulier, a hérité de certaines pratiques ou de certains concepts d'un vieux chamanisme pré-hellénique qu'auraient trouvé les Indo-Européens. Et Vincent Descombes, en même temps, en descendant à l'intérieur du platonisme, essaie de montrer comme ce qui fait le cœur du platonisme, c'est-à-dire la matrice de toute la philosophie occidentale, c'est en réalité la dialectique, la manière de chercher à poser les bonnes questions, à se poser les bonnes questions, et où il montre en même temps comment dans l'histoire de notre philosophie, le platonisme a été renversé. Il a d'abord été inversé, si l'on peut dire, par Kant, puis renversé par Nietzsche. Et où, d'une certaine manière, dans l'opposition que relève ce dernier entre la vérité et l'apparence, mais sur laquelle il s'appuie évidemment sur la différence que introduisait Platon, on s'aperçoit que la non-vérité de l'apparence est en fait la vérité de la vérité. Et de ce point de vue-là, il n'est pas pour rien, évidemment, que Vincent Descombes termine dans l'extrême pointe du platonisme, c'est-à-dire dans le néo-platonisme, celui qui a été la philosophie de Damasius, celui qui a été la philosophie de Proclus, et ensuite de son surjon chrétien, c'est-à-dire Denis de l'Aréopagite. Si le bien est transcendant à tout être, il faut dire alors que c'est l'informe qui donne forme, que c'est celui qui demeure sans essence, qui est le comble de l'essence, et la réalité sans vie, vie suprême, et la réalité sans intelligence, suprême sagesse. Enfin, je voudrais terminer par l'ouvrage de Michel Cassé, Cosmologie dite à Rimbaud, aux éditions Jean-Pierre Bayol. Michel Cassé, on le connaît peut-être, c'est cet astrophysicien, directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, qui est en même temps, au fond de lui-même, un véritable poète, et qui, dans ce texte, à la fois se pose comme voyant, et d'une certaine manière, on pourrait dire aussi comme voyeur de ce qu'est l'univers dans lequel nous sommes inscrits. Et d'une certaine manière, il essaie précisément de comprendre ce que dit la cosmologie moderne dans un effort de sympathie, dans un effort en même temps de saisie, qui est une saisie poétique au sens du poème grec, c'est-à-dire de la fabrication, d'une réalité dont nous nous saisissons. Et là où on s'aperçoit que Michel Cassé à la fois se dit matérialiste, mais un matérialiste sans matière, et lui-même se demande qu'est-ce que cela voulait dire, et d'une certaine manière se dit aussi spiritualiste sans esprit, encore que il soit bourré d'esprit, et on se demande si d'une certaine manière il ne faudrait pas renverser la proposition et se dire qu'en réalité c'est l'esprit sans spiritualisme. Et là on a quelque chose évidemment qui est à lire absolument, puisque cela nous permet et de nous tenir au courant des choses qui sont les plus non connues, sans aucun doute, les moins répandues de la cosmologie moderne, c'est-à-dire de la science la plus en pointe, et en même temps d'une réflexion poétique et philosophique de fond. J'ai en moi un Rimbe et un Ponge. Certains matins, le fou tue le sage, et réciproquement. La nuit, c'est le jour vu de dos. La pointe de l'un creuse la tombe de l'autre. Les livres aujourd'hui. Une réédition Amour et connaissance de Alan Watts en édition de poche chez Almora. Entretien avec une chamane sibérienne de Zargalma Dandarova et Darima Boudaraevna chez Abor et Fides en Suisse. Le platonisme de Vincent Descombes aux Presses universitaires de France et Cosmologie dite à Rimbaud de Michel Cassé chez Jean-Paul Bayol. C'était Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Jean-Pierre Schnetzler et de Fabrice Midal. Mixage Nadège Antonini, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.